cherche l'or dans la rivière. Cherche encore ce qui t'est cher. Si tu n'es pas, pas né d'hier. Cherche l'or dans la rivière. Encore des heures.